Chapitre 3e. C'était avec une entière conviction que le colonel avait répondu aux accusations du juge d'instruction. Il ne croyait pas Anatole coupable. Il ne comprenait pas qu'il pût l'être. Mais lorsque M. le Méauté fut sorti et qu'il réfléchit à ces accusations si nettement formulées et qui s'enchaînaient les unes aux autres avec une logique si rigoureuse, il se sentit ébranlé dans sa foi. Il était évident que les faits, tel qu'il venait de lui être exposé et expliqué par le juge d'instruction, était possible. Il n'y avait pas malheureusement à le nier. Cela avait pu se passer ainsi, aucune invraisemblance dans cet acte d'accusation. Il était évident qu'Anatole pouvait avoir arrangé cet assassinat avec le fourrier. Il était évident aussi qu'il pouvait être parti en Amérique tout simplement pour se procurer un moyen de défense. Enfin, il était évident encore que ce misérable assassin pouvait n'être qu'un bras inconscient. Maintenant, ce qu'il s'agissait de savoir, c'était si moralement Anatole pouvait être coupable de cette complicité. Et sur ce point, les réponses négatives qui tout d'abord s'étaient présentées à son esprit perdaient singulièrement de leur solidité lorsqu'on les soumettait à un examen réfléchi. Qu'Anatole fût coupable d'un crime aussi bien que d'une infamie, cela ne pouvait pas être contesté. Capable de tout, ce mot était le jugement de ceux qui le connaissaient et qui l'avaient aimé. Alors, ses hésitations au moment du départ n'auraient été qu'une comédie. Et s'il avait si bien joué cette comédie, c'était parce que certains sentiments naturels se mêlaient, malgré lui et à son insu, à ceux qu'il voulait exprimer. Cette pâleur, cette émotion, ses mains glacées, ce front baigné de sueur, voilà ce qui était naturel. Mais au lieu d'attribuer ce trouble au chagrin du départ, n'était-il pas plus sensé de l'attribuer maintenant aux angoisses d'une conscience aux abois, selon le mot du juge d'instruction ? Ce que ces réflexions avaient de douloureux pour le colonel, c'était qu'elles imposaient leurs conclusions à son esprit malgré lui. Il ne voulait pas croire Anatole coupable, et à chaque accusation qui se présentait, il cherchait des raisons pour la combattre et non pour l'appuyer. Mais tandis que les unes arrivaient difficilement, faibles et inconsistantes, les autres se pressaient en foule, solides et accablantes. Anatole, il l'abandonnait sans peine, mais Antoine, mais Thérèse. Thérèse, sœur de l'homme qui avait voulu le faire assassiner. Comme il se tournait et se retournait dans son lit, agité par ses pensées, Horace, qui se tenait silencieux dans un coin de la chambre, s'approcha doucement. « Ah, maître, dit-il, je vous en prie, ne vous tourmentez pas ainsi. Le médecin a tant recommandé que vous restiez en repos. Crois-tu qu'on repose par ordre ? C'est le juge qui vous a donné la fièvre avec ses questions. Je n'aurais pas dû le laisser arriver près de vous. Tu as raison. Mieux eût valu qu'il ne me parlât pas de ses soupçons. Là, voyez-vous ? S'écria le nègre en joignant les mains. Je ne voulais pas qu'il entrât. Mais non, il leur faut des récits à ces juges. Est-ce que je vous ai demandé de me raconter comment vous aviez été attaqué ? Vous êtes sauvé, l'assassin est mort, cela suffit pour le moment, le reste viendra plus tard. Car si je n'ose pas vous adresser des questions, ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de savoir ce qui s'est passé, pour moi d'abord, et aussi pour répondre à ceux qui m'interrogent sans que je puisse leur rien dire, puisque je ne sais rien. Et qui t'interroge ? Mais tout le monde ! Madame la marquise de Lucilière, Mademoiselle Lazarus, Mademoiselle Belmonte. Ce matin, Madame la comtesse Belmonte m'a demandé un objet que vous portiez habituellement sur vous. Et pourquoi faire ? Mais pour faire dire une messe dessus. Ça, c'est souverain. Vous vous moquez toujours de moi avec mes reliques, vous m'appelez sauvage, mais vous voyez bien que voilà une vraie grande dame, une blanche, qui est aussi sauvage que moi. Cela te rend fier. Ah non, mais cela me donne davantage confiance. Si j'avais pu sortir, je serais allé trouver le prêtre ce matin et je lui aurais demandé une messe à votre intention. Mais Madame la comtesse Belmonte a eu la même idée que moi et maintenant je suis rassuré. Tu n'as donc pas confiance dans le médecin ? Bon pour soigner le médecin, comme moi pour veiller ou pour penser, mais pour guérir, c'est le bon Dieu qui est bon, très bon, le meilleur. En entendant cette explosion de foi naïve, le colonel se mit à sourire. Alors Horace, qui l'observait, battit des mains. Plus de colère, dit-il en riant, plus de tourments. Le mauvais juge est oublié. Vous avez souri. Je savais bien que la messe serait souveraine, et je suis bien heureux d'avoir donné à Madame la comtesse de Belmonte ce qu'elle m'avait demandé. Et que lui as-tu donné comme fétiche ? Votre mouchoir, taché de sang. Quelle niaiserie ! Pas niaiserie du tout ! Quand j'ai entendu sonner la cloche de l'église, je suis entré dans la chambre à côté. C'était justement le moment où le juge commençait à vous tourmenter. Alors moi, je me suis mis en prière, et tandis que Madame la comtesse Belmonte et Mademoiselle Carmelita demandaient votre guérison dans l'église, moi je la demandais ici. Et que disais-tu ? Vous allez encore vous moquer de moi. Je t'assure que je n'ai nulle envie de me moquer de toi, bien au contraire. Je demandais au bon Dieu de vous envoyer un ange, qui vous verse dans les veines assez de sang pour remplacer tout de suite celui que vous avez perdu, et je vois bien que le bon Dieu vous a envoyé son ange. Tu as vu l'ange me faire l'opération de la transfusion du sang? Ça, non, je ne l'ai pas vu, mais je vous ai vu sourire, et c'est la preuve que le bon Dieu a écouté ma prière, comme il a écouté celle de Madame la Comtesse Belmonte et de Mademoiselle Carmelita. Allons, tu es un brave garçon, pas sauvage, un bon cœur, pas sauvage. C'était la grande prétention d'Horace de n'être pas un sauvage. On ne pouvait pas lui faire de plus grande joie que de lui dire qu'il était l'égal d'un blanc. « Pas sauvage, » dit le colonel en riant, « ou tout au moins pas plus sauvage que... Oh ! Pas plus sauvage que la comtesse Belmonte, ou si la comparaison te déplaît, pas plus sauvage que la belle Carmelita qui fait lire des messes sur des mouchoirs tachés de sang. Es-tu content ?»« Content que vous plaisantiez, oui, bien heureux. Car je me demandais tout à l'heure comment chasser le mauvais souvenir du juge. » Et le voilà envolé. Maintenant, il ne faut pas qu'il revienne. Il ne reviendra pas, n'est-ce pas? Dites qu'il ne reviendra pas. Comme la plupart des nègres, Horace n'était qu'un grand enfant, et volontiers il se laissait aller à traiter son maître en enfant, riant pour le faire rire, lui disant des paroles qui, par elles-mêmes, n'avaient pas grand sens, mais qui, par l'intonation, par l'accent, étaient pleines de sollicitude et de tendresse. Malheureusement, il n'était pas toujours très adroit dans le choix de ses moyens. Et à la contraction qui assombrit le visage de son maître, il comprit qu'il avait eu tort de parler du juge et de rappeler lui-même ce souvenir qu'il voulait précisément écarter. Maintenant qu'il est revenu, comment le chasser? Pendant quelques instants, il tourna autour de la chambre, cherchant un moyen de réparer sa sottise. Chaque fois qu'il passait auprès de son maître, il le voyait absorbé dans de douloureuses réflexions. Le juge, le maudit juge! Comment a-t-il été assez faible pour le laisser entrer alors qu'il avait prié ceux qui voulaient voir son maître, le baron Lazarus, le prince Mazzazzoli, le marquis de Lucilière, la marquise elle-même, de remettre leur visite au lendemain afin qu'il puisse reposer ce jour encore? Ce n'était pas seulement le repos du corps qui lui était nécessaire, c'était encore, c'était surtout celui de l'esprit. Il s'approcha du lit et d'une voix douce, presque joyeuse, « Mon colonel, dit-il, j'ai un remords. Eh bien, va trouver le curé. « Ce n'est pas le curé que cela regarde, c'est vous, parce que la faute qui cause mon remords vous touche surtout. »« Alors tu voudrais te confesser. Je voudrais vous dire que ce matin, monsieur le marquis et madame la marquise de Lucilière ont demandé à vous voir. »« Ah, oui, comme je leur disais que vous aviez passé une assez bonne nuit et que vous étiez calme, ils m'ont dit de venir vous demander si vous pouviez les recevoir. »« Et tu n'es pas venu ?»« Précisément, c'est là ma faute. »« Leur as-tu dit que je ne pouvais pas les recevoir ?»« Ah non !» Seulement, je leur ai dit que je pensais que, vu votre état de faiblesse, il valait mieux vous laisser reposer encore un jour, bien tranquillement. Pourquoi n'as-tu pas répondu cela au juge d'instruction? Ah oui, le juge d'instruction. Est-ce que ces gens-là entendent ce qu'on leur explique? Ils n'écoutent que ce qu'ils disent. C'est malgré moi que monsieur le juge d'instruction est entré. Pour en revenir à monsieur le marquis et à madame la marquise, ils m'ont donc dit qu'ils ne voulaient pas vous troubler, seulement qu'ils vous priaient, quand vous vous sentiriez assez bien pour les recevoir, de les faire prévenir. « Et tu ne m'as pas dit un mot de cela, bien entendu ?»« C'est là ma faute et mon excuse, si vous consentez à m'excuser. C'est que je croyais qu'il vous serait bon de n'être pas dérangé. Mais enfin, puisque j'ai eu la faiblesse de laisser passer ce juge, ne pensez-vous pas maintenant que monsieur le marquis et madame la marquise peuvent trouver mauvais que vous ne les receviez pas ?»« Tu as raison. N'est-ce pas ? Seulement il est entendu que vous vous sentez bien. » « Bah, prévenir le marquis et la marquise que quand ils voudront me faire l'honneur de venir me voir, je suis prêt à recevoir leur visite. » Horace ne se fit pas répéter cet ordre deux fois. Son idée avait réussi. La visite du marquis et de la marquise allait apporter une diversion aux pensées de son maître et faire oublier le souvenir du juge. Mais le marquis venait de sortir et la marquise se trouvait seule au château. Cette réponse déconcerta un moment Horace. Cependant, après quelques secondes d'hésitation, il insista pour être admis auprès de madame de Lucilière. « Prévenez votre maître que je vous suis, » dit-elle. Et en effet, quelques minutes après, elle entrait dans la chambre du colonel. « Ne bougez pas, » dit-elle, « ou je retourne sur mes pas. »« Mon pauvre colonel, dans quel état je vous retrouve, et quand je pense que c'est mon invitation qui est la cause première de cet assassinat ?» Elle lui avait pris la main et doucement elle l'avait pressée. Cependant, cette pression, si douce qu'elle fût, avait amené une contraction douloureuse sur le visage du blessé. « Vous voyez, dit-elle, je vous ai fait mal. Voulez-vous bien me remettre ce bras sur votre lit et ne plus remuer ?» Alors, délicatement, elle posa elle-même le bras sur le drap. Puis, Attirant une chaise, elle s'assit auprès du lit, faisant face au colonel. « Je ne suis pas médecin, » dit-elle. « Cependant, je me permets de vous donner une ordonnance. Je n'autorise de mouvement de votre part que des yeux et des lèvres. Si vous vous fatiguez, je quitte cette chambre aussitôt. Et si je ne me fatigue pas, je reste près de vous tant que vous me voudrez pour garde-malade. » Il attacha sur elle ses yeux alanguis et la regarda longuement. « Oh, cela, » dit-elle en lui souriant, « tant que vous voudrez. Pourtant, il ne faudrait pas mettre dans ses yeux l'expression de sentiments trop vifs, de même qu'il ne faudrait pas que votre parole se laisse entraîner par trop d'animation. Avant tout, nous devons éviter la fièvre. N'oubliez pas que vous avez été blessé, sérieusement blessé. Dans quel état vous ai-je vu arriver, bon Dieu ?» Il est de fait que, plein de sang et de poussière, je devais être dans un état fort peu présentable. Dites que vous étiez horrible, hein ? Mais superbe ! Je n'aurais jamais imaginé qu'après s'être roulé dans le sang et la poussière, avec des vêtements déchirés, le linge en lambeaux, on pouvait avoir une si grande tournure. Positivement, vous avez fait une entrée splendide. Au théâtre, vous auriez fait crouler la salle d'applaudissements. Ici, vous avez fait couler des larmes. De quels yeux ? Mais de tous les yeux, celle du baron Lazarus, du prince Mazzazzoli, de la comtesse Belmonte, et celle de Carmelita, celle d'Ida, et ce n'est point assez. Je ne dis pas cela. Je demande seulement si votre énumération est complète, afin de garder un souvenir ému de ces marques de sympathie. Alors, puisqu'il vous faut des comptes exacts, ajoutez à cette addition de larmes la marquise de Lucilière, qui, je vous l'affirme, n'était pas la moins bouleversée, en voyant porter à peu près mort celui qu'elle attendait plein de force et de belle humeur. Il voulut étendre la main vers elle, mais d'un geste rapide elle l'arrêta. « Vous savez quelles sont nos conventions, dit-elle. Pas de mouvement. La parole nous a été donnée pour traduire nos sentiments, et le regard pour exprimer ce que la parole est impuissante à dire. Donc, pas de main. Mais vous pouvez parler tant que vous voudrez. Je vous écoute. Vous pouvez regarder, je ne détourne pas les yeux. » Il ne parla pas. Mais pendant plusieurs minutes, il resta les yeux attachés sur ceux de la marquise. « Est-ce qu'il n'avait pas été convenu, dit-elle, que vous ne devriez pas mettre dans vos yeux l'expression de sentiments trop vifs ? Il me semble que vous oubliez cette clause de la Convention qui, en ce moment, est pour vous d'une si grande importance. Sans doute, je suis touché de voir que vous attachez un certain prix au témoignage de ma sympathie, mais il est inutile de me le dire avec tant d'éloquence. Plus tard. En ce moment, je vous assure que je comprends à demi-mot. Songez que vous avez tout le temps de vous expliquer, car vous pensez bien, n'est-ce pas, qu'avec une blessure comme la vôtre, vous ne serez pas demain sur pied. Mais je n'ai pas besoin d'être sur pied pour me faire porter à Paris. Vous faire porter à Paris ? Vous voulez vous faire porter à Paris ? Je voudrais ne pas abuser de votre hospitalité. Vous moquez-vous ? J'ai déjà reçu une blessure dans le genre de celle qui me retient sur ce lit, et peut-être même plus grave. Cependant, cela ne m'a pas empêché de faire 25 lieues dans une voiture d'ambulance sur une route qui ne vaut pas celle de Chalençon à Paris. Il le fallait alors. Tandis que maintenant, il faut que vous restiez ici jusqu'à votre complète guérison. Ceci est entendu et le marquis viendra vous le signifier. S'il n'était à son haras, je l'enverrai chercher immédiatement. Cependant, si vous le voulez, je peux le faire prévenir. Non, je vous en prie. Je n'insiste que si vous vous obstinez dans votre idée de départ. Alors vous lui donnerez vos raisons et vous vous expliquerez tous deux. Au contraire, si vous comprenez que vous ne pouvez quitter Chalençon avant votre complet rétablissement, nous pourrons nous entendre. Qu'opposez-vous à cet arrangement ? Mais 1000 raisons. Il n'y en a qu'une valable à mes yeux. Êtes-vous attendu à Paris ? Votre absence pendant un temps assez long causera-t-elle un chagrin à quelqu'un ? Mais vous savez que j'arrive en France. Comment voulez-vous que quelqu'un m'attende à Paris ? Alors vos 1000 raisons sont tout à fait insignifiantes. Vous êtes ici, je vous garde. Vous ne sortirez de Chalençon que lorsque vous pourrez retourner à pied à Saint-Germain. Seulement, vous ne traverserez pas la forêt tout seul, car il paraît que vous êtes entouré de misérables qui en veulent à votre vie. Monsieur le Méauté nous a laissé entrevoir des choses épouvantables. Et lesquelles ? Que votre vie était sérieusement menacée par des gens qui ont intérêt à votre mort. Seulement, quels sont ces gens ? Quels sont leurs desseins ? C'est ce qu'avec sa sotte discrétion de magistrat, il s'est bien gardé de nous apprendre. Monsieur le Méauté a trop d'imagination. Beaucoup de finesse, une grande sagacité, une sorte de flair pour tout ce qui est crime. Mais je ne crois pas qu'il invente. Enfin, ceci n'est pas mon affaire et je reviens à ce qui nous touche. Je comprends que la perspective de rester seul dans cette chambre pendant plusieurs semaines soit faite pour vous effrayer. Aussi n'est-ce pas là ce que je vous propose. Je ne veux pas que Chalençon soit pour vous une prison. J'entends une prison où l'on pratique le système de l'isolement. Vous ne serez pas isolé, ce qui, dit le médecin, nuirait à votre rétablissement. Nous devions venir à Chalençon dans quelques semaines, nous avancerons notre arrivée. Mais vous voyez, voilà déjà l'une des 1000 raisons que je voulais vous donner tout à l'heure qui s'oppose à ce que j'accepte plus longtemps votre hospitalité. Alors vous vous expliquerez avec le marquis. En attendant, laissez-moi vous dire comment j'avais arrangé mon plan. Je me faisais votre garde malade. Tant que vous étiez trop faible pour quitter la chambre, je venais passer quelques heures avec vous. Je vous lisais les livres que vous aimez. Je vous faisais de la musique. Oh, pas de la grande musique, car je ne suis pas une musicienne bien savante. Mais enfin, je tapote à peu près tout ce que l'on veut. Puis, quand vous étiez plus fort, je vous organisais quelques petites réunions agréables. Et ainsi vous arriviez sans trop d'ennui au jour où vous pouviez rentrer dans la vie parisienne sans porter votre bras en écharpe. C'était mal imaginé. Trop bien pour moi. Cependant, vous n'en voulez pas. Mais... Non, ne me donnez pas vos raisons. Je vais envoyer chercher le marquis. Elle se leva. Je vous en prie. Vous ne voulez pas que j'envoie chercher le marquis? Je veux... Voulez-vous ce que je veux? Il hésita un moment. Elle était toujours debout près du lit. Oui, dit-il, ce que vous voudrez. Alors c'est bien. Le marquis peut examiner tranquillement ses poulinières, il n'a que faire ici. Et elle se rassit.